Bonjour à toutes et tous. L'UFR Santé crée un pôle enseignement-recherche sur le sujet des enfants et adolescents en danger. Les situations d'enfants et adolescents en danger concerneraient 10 à 15% des mineurs dans les pays à haut revenu. Face à la fréquence et aux conséquences possibles en santé des situations d'enfants et adolescents en danger, celles-ci exigent un investissement des professionnels de santé afin de mieux repérer ces situations, de mettre en œuvre des parcours de soins adaptés et aussi une prise en charge spécifique. C'est pourquoi, très sensibilité sur ce sujet, l'UFR Santé de l'Université Caen Normandie a structuré un pôle enseignement-recherche enfants et adolescents en danger pour former en priorité les étudiants des formations en santé, puis plus largement l'ensemble des étudiants de l'Université Caen Normandie pour les former au repérage, au diagnostic, aux soins et à l'accompagnement de ces publics. Ce pôle a également pour mission de soutenir, coordonner et valoriser les travaux de recherche consacrés à la compréhension, la prévention et la prise en charge des situations d'enfants et d'adolescents en danger. Ce nouveau pôle vise à optimiser les compétences en matière de repérage et d'accompagnement de l'enfant dans un parcours de soins spécifique articulant la santé au sens de la définition de l'OMS en s'appuyant sur les savoirs de l'ensemble des composantes de l'Université Caen Normandie. L'enseignement d'une prise en soins ainsi coordonnée sera facteur de bien-traitance tant pour l'enfant que pour les professionnels qui gravitent autour de l'enfant. Il est essentiel de faire des professionnels de santé sur le territoire des acteurs de repérage et de soins dans les parcours des mineurs en danger. Au cœur du dispositif se trouve la notion de pédiatrie médico-légale, une clinique dédiée aux mineurs en danger, de la prévention à l'expertise, qui combine évaluation des enfants, soins appropriés, protection et constat médico-légal dans un lieu pédiatrique protégé et sécurisé. Cette approche souligne la nécessité d'une prise en charge collégiale, éthique et singulière, en tenant compte du neurodéveloppement, des situations de handicap, de la nécessaire rigueur de la réponse médico-légale et de la spécificité de la triangulation parentale dans la clinique de la violence. Le pôle enseignement-recherche enfants et adolescents en danger proposera un enseignement gradué intégrant connaissances académiques, culture du doute, apprentissage de la gestion du dissensus, accompagnement au diagnostic et à la décision et enseignement en simulation, notamment sur l'annonce de situations en danger et la rédaction d'écrits à destination des autorités compétentes en charge de la protection de l'enfance. Je suis Martine Balançon, pédiatre et médecin légiste. Je suis arrivée en septembre 2023 en qualité de professeure associée à l'Université Caen Normandie. Je suis co-conceptrice de la notion de pédiatrie médico-légale et très engagée territorialement et nationalement. Je suis très heureuse d'avoir rejoint l'UFR Santé, qui est nationalement reconnue dans la mise en place des parcours licences du soin sur les territoires. Le pôle enseignement-recherche que je dirige s'inscrit dans le cadre du plan national de lutte contre les violences faites aux enfants 2023-2027, en particulier la mesure 17, et a été aussi portée par les Assises de pédiatrie et de la santé de l'enfant. Nadège Poisson, qui travaille à mes côtés, exercera en qualité de chargée de projet pour accompagner le développement de cette structure. La Direction générale de la cohésion sociale a confié au pôle enseignement-recherche le déploiement d'une formation de sensibilisation aux situations de danger à destination des professionnels et bénévoles au contact des enfants. Celle-ci constitue la première action de notre structure au plan national. Entouré de l'ensemble des acteurs de terrain et des différentes composantes de l'Université Caen Normandie, ce pôle s'inscrit dans une volonté d'amélioration durable de la prise en charge des mineurs en danger et de leur santé. Nous sommes très heureuses de vous accueillir au pôle enseignement-recherche enfants et adolescents en danger. Nous sommes très preneuses de vos réflexions sur ce thème. N'hésitez pas à nous contacter via les coordonnées qui sont présentes sur le site. Merci.